Au début de l'acte 2, deux paysans, Charlotte et Pierrot, s'entretiennent en patois au bord de la mer. Charlotte, Nostre dinse, Pierrot, tu t'es trouvé là bien à point. Pierrot, par quien ? Il ne s'en est pas fallu l'épaisseur d'une épingle qu'ils ne se saillent en naillés tous deux. C'est donc le coup de vent d'un matin qui les avait renversés dans la mer ? Agaguin, Charlotte, je m'en vais te compte et tout feindrai comme cela est venu. Car, comme dit l'autre, je les ai le premier avisés. Avisés, le premier je les ai. Enfin donc, j'étions sur le bord de la mare, moi et le gros Lucas, et je nous amusions à batifoler avec des mottes de tard que je nous gestions à la tête. Car, comme tu sais bien, le gros Lucas aime à batifoler. Et moi, parfois, je batifolie tout. En batifolant donc, puisque batifoler y a, j'ai aperçu de tout loin quelque chose qui grouillait dans l'îlot et qui venait comme un varnou par secousse. Je voyais cela fixiblement. Et puis tout d'un coup, je voyais que je ne voyais plus rien. Hé, Lucas, ai-je fait. Je pense que là des gens qui nagent là-bas. Voir, ce m'a-t-il fait. T'as été au trépassement d'un champ. T'as la vue trouble. Pas le cinquième, ai-je fait. Je n'ai point la vue trouble. Ce sont des hommes. Point du tout, ce m'a-t-il fait. T'as la barlue. Veux-tu gager, ai-je fait. Que je n'ai point la berlue, ai-je fait. Que ce sont deux hommes, ai-je fait. Qui nagent en droit ici, ai-je fait. Mort, Ken, se m'a-t-il fait. Je gage que non. Oh, ça, ai-je fait. Veux-tu gager dix sols que si. Je le veux bien, se m'a-t-il fait. Et pour te montrer, l'argent suis-je, se m'a-t-il fait. Moi, je n'ai point été ni fou ni étourdi. J'ai bravement embouté à tard quatre pièces tapées et cinq sols en double jarniken, aussi hardiment que si j'avais avalé un verre de vin. Car je suis hasardeux, moi, et je vas à la débandade. Je savais bien ce que je faisais, pourtant. Que nier. Enfin donc, je n'avons pas plutôt eu gagé que j'avons vu les deux hommes tout à plein qui nous faisaient signe de les aller quérir. Et moi de tirer auparavant les enjeux. Allons, Lucas, ai-je dit. Tu vois bien qu'ils nous appellent. Allons vite à leur secours. Non, se m'a-t-il fait. Ils m'ont fait pardre. Oh donc, tant qu'à la parfum, pour le faire court, je l'ai tant sarmonné que je nous sommes boutés dans une barque et puis j'avons tant fait qu'à un cas que je les avons tirés de l'îlot. Et puis je les avons menés chez nous auprès du feu, et puis ils se sont dépouillés tout nus pour se sécher. Et puis il y en est venu encore deux de la même bande qui s'est qu'en sauvé tout seul. Et puis Mathurine est arrivée là, à qui il en a fait les yeux doux. V'là justement Charlotte, comme tout ça s'est fait.